au VIe siècle avant notre ère, Solon fit voter des lois qui permirent l'essor d'Athènes. Le philosophe Aristote vécut 2 siècles plus tard et fut l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages aux sujets très divers. Parmi les anciennes lois de Solon, qui furent gravées sur des tables de bois, et que les Athéniens, pour en assurer à jamais la durée, consacrèrent par des serments empruntés à la religion et par des prescriptions pénales, il y en avait une dont voici le sens au rapport d'Aristote. Si la discorde, des dissensions d'intestine, soulève et divise le peuple en 2 parties. Si l'irritation fait prendre les armes, si on en vient aux mains, le citoyen qui, dans ces moments de discorde civile, ne se joindra pas à l'une des 2 factions, qui restera à l'écart, loin des troubles qui désolent la cité, sera chassé de sa maison, de sa patrie, sera dépouillé de tous ses biens et puni de l'exil. Après avoir lu cette loi portée par un si sage législateur, je fus d'abord saisi d'étonnement. Je cherchais pour quel motif il infligeait un châtiment aux citoyens qui auraient voulu rester étrangers à la sédition et à la guerre civile. Mais plusieurs personnes qui avaient examiné à fond l'utilité de cette loi et la pensée du législateur me dirent que cette loi était très propre à étouffer les séditions, loin de les fomenter. Il en est ainsi en effet. Si tous les citoyens vertueux voyaient leurs efforts impuissants pour calmer la sédition et pour amener les esprits aigris, prenaient parti pour l'une ou l'autre faction, il arriverait que chaque parti, comptant de tels hommes dans ses rangs et subissant l'autorité de leur caractère, se laissant commander, gouverner par eux, reviendrait peu à peu à des sentiments de concorde et d'union. Car ces citoyens vertueux chercheront à maîtriser, à calmer ceux de leur parti, à sauver leurs adversaires plutôt qu'à les perdre. Le philosophe Favorinus pensait qu'il fallait agir ainsi pour calmer les haines qui divisent des frères ou des amis.